Chercher l'erreur de Geode Ham, œuvre publiée sous licence Creative Commons BY-NC-ND 3.0. Enregistré par Christian Johan. Chercher l'erreur. La voilà repartie dans son délire. C'est son truc à elle. Tous les ans, c'est pareil. Il faut absolument, absolument participer à ce maudit événement. Arturo soupire. Il n'en peut plus. C'est insupportable. Il la regarde sortir ses outils, ses matériaux. Qu'est-ce qu'elle va choisir cette année? Il espère qu'elle évitera les garnitures rêches et irritantes, les élastiques trop serrés, les boutons mal placés. Et puis les couleurs. Ah, si au moins elle tenait compte de ses goûts. Que nenni! Elle n'en fait qu'à sa tête. Et Dieu sait si elle a une imagination débordante. Elle ouvre son album photo. Il sait qu'il y est là, photographié sous tous les angles. Chaque année. Et elle consulte tout aussi régulièrement son cher mémoire afin d'inventer son nouvel accoutrement toujours plus ridicule et plus dérisoire. Oh oui, elle l'admire. Elle l'embrasse et le câline autant et même plus qu'il ne le voudrait. Mais elle l'astreint aussi à de longues séances d'essayage pendant lesquelles il doit rester immobile sous peine de ressentir la pointe des épingles. Et encore, tout ça n'est rien. Il faudra ensuite sortir, se montrer, s'exhiber. Arturo préférerait sortir à poil plutôt que de parader sous les sourires, les rires et les exclamations amusées plus qu'admiratives. Puis, il faudra marcher pendant des heures, dans la foule, au risque de se faire piétiner, assoiffé, affamé. Il se souvient de l'année où elle l'avait déguisé en gondolier. Il avait dû ensuite subir des heures en figure de proue de ces maudites embarcations dont le tangage lui donnait la nausée. Plus jamais ça. Décidément, Arturo déteste cette période. Il aimerait tant rester chez lui, assommeillé dans son fauteuil, près du feu. Il n'a plus l'âge d'aller jouer les bêtes de foire. Si ça l'amuse, elle n'a qu'à y aller, toute seule. Il n'est pas jaloux, lui. Il voudrait seulement conserver sa vie tranquille, pépère, confortable. « Arturo, viens, mon amour !» Arturo secoue la tête. « Ah vraiment, comment résister à de telles paroles ?» Mais il sait bien que s'il ne va pas la voir, la montagne viendra à lui. Alors, autant obtempérer. Contre mauvaise fortune, bon cœur, il se résigne. Après tout, ils s'aiment bien, tous les deux. Et puis, il faut le reconnaître. Elle ne lui fait pas une vie de chien. « Tiens, cette année... » Il semblerait qu'elle ait choisi du orange, ou plutôt une sorte de cuivre orangé. Cela ira bien à son teint. Arturo aime ses velours soyeux, mais elle a sorti aussi son coffre à bijoux, enfin à perles, strass et autres pompons, franges et ridicules bimbeloteries. C'est là que les choses vont se compliquer. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Et puis... Il est sûr aussi qu'elle va lui confectionner un bibi assorti, un machin qui sera accroché sur sa tête, et tant pis si ça lui arrache un peu les oreilles. Encore heureux si elle n'y rajoute pas des grelots, ces boules bâtardes qui émettent des sons si désagréables dès qu'il bouge un peu la tête. Non, il semble que cette année, il aura droit à une collerette en broderie anglaise, avec un ruban rouge. Le ridicule ne tue pas, sinon... Il serait mort depuis longtemps. Et l'on dit aussi que tout ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Alors, avec tout le ridicule qu'il a dû boire jusqu'à la lie, il devrait porter le costume d'un Hercule, au moins. De multiples essayages plus tard, le moment est venu de parader, de porter haut les couleurs qui vont égayer l'album photo une fois de plus. Dans les vitrines des magasins, Arturo se regarde du coin de l'œil. Décidément, vous ne trouvez pas curieux que ce soit lui qui porte l'habit multicolore et qu'elle soit bottée et habillée de cuir et de fourrure? Cherchez l'erreur.